Chapitre 11e. On juge si Germaine fut exacte au rendez-vous. Cependant, elle ne manifesta pas trop d'empressement à revoir la mystérieuse inconnue, afin de mieux tromper sa gardienne et lui faire une illusion complète sur l'état de son esprit. Pour bien jouer son rôle et duper ceux qui la retenaient prisonnière, il fallait faire semblant de ne tenir à rien, affecter la mobilité d'humeur particulière aux aliénés, et comme eux n'avoir aucune suite dans les idées. Comme depuis sa douche, Germaine était, suivant l'expression de sa gardienne, sage comme une image, celle-ci n'avait plus la moindre défiance. L'acclimatement s'était fait un peu vite, sans doute, mais enfin, il paraissait complet, et Joséphine, heureuse de se relâcher un peu de cette étroite surveillance, n'en demandait pas davantage. Ce fut elle qui, la première, parla de cette visite. « Eh bien, et Marquisette, vous ne retournez pas la voir ?»« Tiens, c'est vrai ?» fit Germaine. « Elle vous attend, venez donc, je vais vous conduire chez elle. »« Ah, oui. » « Vous savez, elle a toujours des bonbons, des gâteaux, des fruits, un tas de chatteries. Elle vous en donnera. Vous aimez ça, n'est-ce pas ?»« J'aime ça. Beaucoup. Ah, mais beaucoup !» dit avec un accent d'irrésistible convoitise Germaine. « Venez donc, je vous laisserai avec elle 2 ou 3 heures. Vous bavarderez ensemble. Ça vous distraira, et elle aussi. » 5 minutes après, elle était dans le petit pavillon où Marquisette l'accueillait avec un empressement qui laissait transparaître néanmoins encore un peu de défiance. Selon sa promesse, Joséphine se retira, laissant seuls les 2 pensionnaires dont elle était loin de soupçonner la connivence. Voyant la réserve de cette femme, qui depuis si longtemps avait enduré les horribles souffrances d'une claustration imméritée, Germaine commença le récit de sa navrante histoire. Pendant un moment, elle revécut l'horrible drame dont la pensée tenace l'obsédait toujours. Elle dit son enlèvement, la violence infâme dont elle fut l'objet, son épouvante en reconnaissant là-bas le comte de Mondieu qui avait abusé d'elle pendant son sommeil. Elle dit encore sa fuite éperdue avec les chiens qui la déchiraient, sa chute dans la Seine, comment elle fut sauvée par Michel Bérezoff et son ami Maurice Vandol. Elle raconta sa maladie, les soins dont elle fut l'objet, l'empoisonnement de la religieuse, morte à la place de Michel, leur fuite à tous en Italie, l'enlèvement du prince par les brigands, l'étrange et terrible maladie mentale dont il fut frappé, sa ruine, leur misère, leur retour à Paris, leur vie affreuse rue Méchain, la tentative d'assassinat dont Bobino fut victime, enfin, tout. Marquisette, d'abord intéressée puis vivement émue, l'écoutait avec un inexprimable serrement de cœur, et parfois l'interrompait d'un sanglot qui bruyamment montait de son cœur à ses lèvres. « Oh, pauvre enfant » murmurait-elle attendrie, sans cacher ses larmes. « Pauvre victime, c'est presque mon histoire. La mienne, cependant, est plus cruelle encore. Oh, le bandit ! Comme je reconnais bien là sa ruse infernale, sa férocité !»« Ce n'est pas tout encore, » disait Germaine, dont la voix parfois s'étranglait. « Vous verrez quand je vous raconterai le reste. »« Et vous n'êtes pas devenue folle ?» Germaine poussa un cri de joie. « Enfin, vous voyez que j'ai bien toute ma raison, que ma tête a résisté à toutes les misères, à toutes les embûches, à cette horrible séquestration dans l'asile d'aliénés. »« Oui, mon enfant, je crois que vous possédez votre raison, et vous excuserez ma réserve quand vous saurez quelles insanités débitent ces malheureux. » après avoir conservé d'abord d'une façon absolument correcte. Mais vous, madame, vous que je craignais de trouver sinon tout à fait démente, du moins l'esprit troublé, vous me pardonnez, n'est-ce pas? Comment avez-vous pu supporter ces chocs terribles? Je n'en sais rien, car tout m'a manqué à la fois, et même surtout l'espérance. J'ai vécu passivement dans les larmes et dans la prière, et ce supplice dur, je vous l'ai déjà dit, depuis 18 ans. Il prendra fin, madame, je vous le jure. Vous verrez, vous verrez. L'essentiel était que vous croyiez en moi, que vous aussi, vous me disiez tout, que vous fassiez avec moi une alliance offensive et défensive pour abattre notre mortel ennemi et l'empêcher désormais de nuire. Vous pourrez compter absolument sur moi, mon enfant. Je vous dirai tout, oui. Je le ferai. Je vous donnerai aussi des papiers dont l'importance est telle qu'ils seront entre vos mains une arme terrible. Je connais l'existence de ces papiers. Je sais même qu'ils sont enfermés dans un coffret. Que dites-vous là ? Interrompit Marquisette avec une stupéfaction profonde. Mais c'est impossible ! Je suis la seule à savoir ces choses. Puis un reste de défiance lui revint et elle pensa. Décidément, cette femme est folle. Mais le beau regard clair que Germaine laissait tomber sur elle comme une muette caresse la rassura. Non, soyez sans crainte, reprit Germaine. Tout arrive, même l'impossible. Et tenez, dites-moi, n'est-il pas aussi étrange, aussi invraisemblable de connaître votre surnom, le lieu de votre retraite, que ces papiers et le coffret ? C'est juste. Et j'allais vous prier de me dire comment vous avez pu savoir que j'existais, à moins que mon Dieu ou la Barbette n'ait parlé, ce qui est bien improbable. Eh bien, madame, apprêtez-vous à entendre la chose la plus folle en apparence, mais la plus réelle pourtant, qui se puisse imaginer. Tenez, les romanciers qui cherchent des situations dramatiques ont bien tort de se mettre en frais d'imagination. Ils n'ont qu'à regarder autour d'eux, à voir, à écouter, à lire les faits divers, les comptes rendus des tribunaux. Ils trouveront là les documents les plus étranges et les plus vrais. J'allais remettre à plus tard ce récit, mais il vaut mieux vous le faire de suite pour vous enlever les derniers doutes. Je serai du reste très brève, car le temps presse. Je vous dirai seulement le strict nécessaire. C'est en somme l'histoire de ma vie, depuis le moment où la misère nous accablait, où nous nous sentions anéantis, où j'étais sans espérance, après avoir si étrangement perdu l'amour de mon fiancé, qui brusquement, sans aucun motif, s'était mis à me haïr. Ce jour-là, il avait levé le poing sur moi. Il allait également frapper ma jeune sœur mourante quand j'eus une suprême révolte. Je le fixai dans les yeux, et je le tins un moment sous mon regard qui flambait d'indignation. Je le vis fléchir, puis me sourire, et me dire qu'il m'aimait comme par le passé. Je lui demandai ce qu'il avait, toute ravie de le voir parler ainsi, et il me répondit qu'il dormait. « Dites-moi, madame, savez-vous ce qu'est l'hypnotisme ?»« Oui, un sommeil que provoque artificiellement une personne quelconque, soit par le regard, soit par la fixation d'un objet brillant. On l'a essayé ici, mais sans grand succès, ainsi que la suggestion qui n'a pas beaucoup réussi sur les démons. » »« Je vois que vous en connaissez suffisamment pour me comprendre, et pour savoir que certains sujets plus impressionnables que les autres acquièrent parfois une lucidité extraordinaire. » Oui, on le dit. J'ai lu cela. On prétend que cette lucidité en fait des sortes de voyants qui découvrent des choses cachées, voient et entendent ce qui échappe à nos sens, et deviennent aussi les esclaves dociles de ceux qui les endorment. Ils leur obéissent, font tout ce qu'ils veulent, aiment ou haïssent, oublient ou se souviennent, bref, sont dans leur dépendance jusqu'au crime. C'est bien cela. Vous allez me comprendre. Le prince Berezov, ainsi endormi par moi, vécut d'une nouvelle vie. Il devint instantanément ce qu'il était avant que les bandits, en Italie, ne l'eussent enlevé et séquestré pendant 8 jours. Il avait auparavant pour moi une haine aveugle, stupide, irraisonnée. Il m'aimait dès lors comme autrefois. Il se croyait aliéné, voulait se tuer, ne se souvenait plus de ce qui s'était passé depuis ce moment. Subitement, la mémoire lui revint. Il n'était plus fou. Il ne voulait plus se tuer, aimait la vie, formait des projets d'avenir et me témoignait cette tendresse dont la privation me tuait. Je voulus, au bout de 2 heures, interrompre cet étrange sommeil, et je commandai à mon ami de s'éveiller. Il éprouva une sorte de malaise. Ses traits se contractèrent et il me dit « Vous avez tort de m'éveiller. J'étais si heureux ainsi. » « Oh oui, » continua Germaine. J'avais tort, car à peine fut-il éveillé que sa haine pour moi le reprit aussi farouche qu'auparavant. Son accès de colère, interrompu si étrangement par mon regard, recommença, un peu plus. Il allait nous brutaliser encore, et redevenir le fou furieux un instant dompté par le sommeil que je venais de provoquer. De nouveau, je le fixai dans les yeux, et d'une voix impérieuse je lui recommandai de dormir. Il obéit docilement. Son regard vacilla, eut une autre expression. Ses lèvres sourirent, et il laissa échapper un long soupir de bonheur. Je m'empressai naturellement de lui demander pourquoi il passait ainsi de la haine à l'amour, et réciproquement. Pourquoi il était comme fou, à l'état de veille, et pourquoi aussi il voulait se tuer, tandis qu'en sommeil, il était heureux, bon, doux, expansif, et aimait la vie. Invariablement, il répondait « C'est parce qu'il le faut. C'est parce qu'il le veut. Mais qui ? Lui. » Cela, continua Germaine, dura plusieurs jours, sans que le prince voulût révéler le nom de celui qui lui avait suggéré ses idées de haine, de folie et de suicide. On se souvient, d'autre part, que dans la caverne des environs de Naples, mon Dieu, avec une habileté vraiment diabolique, lui avait également suggéré l'idée de ne pas répondre aux questions qui lui seraient posées à ce sujet. Donc le prince Berezov, toujours soumis à l'influence de cette suggestion, refusa de donner satisfaction à Germaine malgré ses ordres, malgré ses prières. Germaine, de son côté, ne désespéra pas d'éclaircir ce mystère qui la passionnait. Elle comprit très vite que l'esprit de Michel se dédoublait en quelque sorte et que la suggestion seule faisait de lui deux hommes bien distincts. Dès lors, elle s'appliqua sans relâche à opposer l'influence bienfaisante de la suggestion présente à l'influence pernicieuse de la suggestion passée. Elle combattit énergiquement l'une par l'autre, s'empara lentement mais sûrement de l'âme du malade et bientôt en chassa le spectre du maudit qui, par moments, venait encore la hanter. Sans révéler à l'excellent docteur l'état mental du prince, elle lui avait demandé quelques renseignements sur l'hypnotisme et le titre des meilleurs ouvrages traitant ce sujet. Le docteur lui nomma ceux de Bernheim, de Binet et Ferré, de Marin et les comptes rendus des leçons de Charcot. Riche de l'argent prêté par Maurice Vandol, Germaine acheta ses ouvrages, les lut d'une haleine, comme le plus poignant de tous les romans. Sans doute elle ne comprit pas tout, mais elle put saisir l'essentiel, comprendre le grand principe de la suggestion et substituer une méthode rationnelle à l'empirisme des premiers moments. Tout marcha dès lors à souhait. Grâce à Germaine, qui ne le quittait pas d'une seconde, détruisait avec une patience et une énergie incomparables l'œuvre néfaste de l'ennemi, le prince entra, pourrait-on dire, en convalescence. Ce commencement de guérison concordait avec celui de la pauvre petite Marie, atteinte de pneumonie, et de Bobino, grièvement blessé par Bamboche et transporté à l'hôpital de la Charité. La série des mauvais jours semblait momentanément close. Grâce à l'argent, si délicatement avancé par le peintre, environ 3 000 francs, l'abondance régnait dans le petit logement de la rue Méchain. Avec l'abondance, la joie rentra un beau matin, avec Bobino que le chirurgien envoyait guéri. Le brave Tippo était encore un peu faiblard, comme il disait, mais enfin, l'avaro n'aurait pas de suite. Embrassé à la ronde, et plutôt deux fois qu'une, Bobino voyait avec autant de surprise que de bonheur Michel, redevenu son ami d'autrefois, adorant Germaine comme par le passé, bref, n'ayant plus sa crevette dans la boîte à sel. Voyant son étonnement et comprenant qu'il grillait d'envie de connaître le mot de l'énigme, Germaine fit au prince un léger signe de la main et lui jeta un simple regard. Signe-regard, tous deux imperceptibles, suffisait maintenant pour lui procurer le sommeil hypnotique. « Vous dormez, n'est-ce pas, mon ami ?» lui demanda-t-elle. « Oui, ma chère Germaine, je dors. Vous savez qui est là près de nous ?»« Bobino, ce cher Bobino, tu l'as chopé belle, hein ?»« Voulez-vous lui dire qu'il l'a frappé ?»« C'est Bamboche, ce gredin de Bamboche, le misérable que nous avons connu sous le nom de Monsieur le Vicomte de Chamboé. »« Pas possible !» s'écria Bobino stupéfait. « Et le brigand qui vous a arrêté près de Naples ?»« C'est le signor Gaetano. »« Oui, mais son nom véritable ?»« Le comte de mon Dieu. » Bobino eut un nouveau soubresaut et regarda le prince d'un air abasourdi. « Oh, vous en apprendrez bien d'autres, » interrompit Germaine. Elle reprit s'adressant au prince. « Que fait Bamboche en ce moment ?»« Je ne vois pas. » Pas bien. Voyez, je le veux. Il le faut. Vous entendez? Il le faut pour battre nos ennemis. Je l'aperçois. Vaguement. C'est lui. Il cause avec Pierre. Qui, Pierre? Le valet qui m'a enlevé là-bas, le lieutenant des brigands. À Paris, c'est un concierge. Que dit Bamboche? Il dit qu'il faut payer le terme d'avance la pension de Marquisette. Il a dit Marquisette, c'est bien cela. Et qui est cette personne? Une femme. Plus jeune. Bien malheureuse, une victime aussi. De qui? Allons, répétez, vous me l'avez déjà dit. De mon Dieu. Ensuite, c'est la mère des enfants. Quels enfants? Georges et Jeanne. À ce point du récit, qu'elle entendait avec une émotion toujours croissante, Marquisette ne put arrêter un cri de stupéfaction. Comment? Cet étranger, cet inconnu que je n'ai jamais vu, dont je ne soupçonne même pas l'existence, connaît tout cela. C'est prodigieux et effrayant. L'hypnotisme, reprit gravement Germaine, est une arme terrible aux mains des méchants. Mise en œuvre par les honnêtes gens, c'est un instrument de défense. Vous verrez comment nous nous sommes sauvés. Mais alors, vous connaissez les secrets de mon Dieu, ce misérable, notre mauvais génie à toutes les deux. Malheureusement, la lucidité prodigieuse de Michel se trouve très atténuée, presque annihilée, dès qu'il s'agit de mon Dieu. Soit qu'il ait subsisté quelque chose de l'ancienne suggestion, soit que mon Dieu, ayant endormi le premier, le prince Bérézov, ce dernier subisse toujours une certaine partie de son influence. Il ne voit plus. Il ne sait plus dès qu'il s'agit de mon Dieu. Sans cela, nous serions tout. Et le misérable, impuissant, désarmé, serait désormais dans l'impossibilité de nuire. Enfin, et quoi qu'il en soit, vous voyez, madame, comment votre existence me fut révélée. Le prince Michel ne pouvait... Il ne savait plus. Il me parla ensuite de Lichamor, de la mère Bachu, dite la Barbette, et m'apprit que cette dernière surtout vous connaissait. Je vous dis tout cela en bloc. Mais si vous saviez combien d'heures, combien de journées il m'a fallu pour arracher un à un et pour ainsi dire morceau par morceau tous ces renseignements. 5 mois pour combattre l'influence abominable du bandit qui avait en quelque sorte transformé l'âme du prince, pour recueillir les documents et apprêter nos armes. J'ai commencé par vous. Je suis venu vous chercher ici, à mes risques et périls, sous un déguisement, pour solliciter votre alliance. Ai-je eu tort de compter sur vous? Oh, merci, mon enfant. Merci de tout cœur. Je suis pour vous. Et est avec vous, à la vie, à la mort. Mais mon Dieu est riche. Il est puissant. Il commande à une armée de misérables. Tandis que vous, qui n'avez que votre bon vouloir, votre énergie, entravé malheureusement par votre pauvreté, vous ne pourrez jamais soutenir ces combats disproportionnés. Dites, comment ferez-vous pour lutter contre lui? Germaine eut un de ses fiers sourires, indiquant une foi inébranlable et aussi une confiance absolue dans des ressources très réelles. Elle reprit de sa voix, dont les vibrations sympathiques émouvaient si profondément Marquisette. Je vois qu'il faut encore faire provision de patience et vous terminer le récit de ma vie avant de recevoir de vous cette confidence qui nous donnera la victoire. Comment cela, cher enfant? C'est que nous ne sommes pas pauvres. Nous avons au contraire des ressources considérables dont je vais brièvement vous indiquer la source. Elle est des plus honorables, quoique mon luxe et mon entrée un peu tapageuse dans la société parisienne aient certainement donné à penser sur moi des choses peu flatteuses. Alors Germaine raconta comment Michel, endormi, se souvint de la façon dont mon Dieu avait extorqué sa signature, filouté son bien, soustrait ses valeurs, bref, l'avait dépossédé de la plus grande partie de son savoir. Ce qui rendait ce désastre en apparence irrémédiable, c'est que le prince avait entièrement perdu la mémoire de ces faits si graves. Il fallut toute la patience, toute l'ingéniosité, toute la tendresse de Germaine pour arriver à lui suggérer à l'état de veille la permanence du souvenir. Enfin, Michel put se rappeler tout quand la bienfaisante influence de Germaine eut chassé de son âme la folie du suicide et rappelé l'amour. Dès lors, le prince était guéri. Il aimait comme autrefois Germaine, connaissait leur bourreau à tous deux et voulait une bonne fois la battre. La situation, en effet, n'était tolérable pour aucun des membres de la famille, en présence d'un bandit coutumier de tous les crimes. Mon Dieu, plus que jamais, devenait un péril terrible pour Germaine, que le moindre incident remettrait à sa merci pour le prince qu'il voulait faire disparaître, pour Bobino, échappé par miracle au poignard de Bamboche, pour Berthe et Marie qui n'osaient plus sortir. Ils tinrent conseil. Jusqu'alors, ils avaient fui devant leur ennemi, s'étaient cachés à la façon des faibles, dénués d'ailleurs de toute ressource et incapables de résistance. Michel Berezov, revenu à la raison, vaillant et fort comme jadis, établit son bilan. Il lui restait encore en Russie une grosse fortune territoriale, d'immenses propriétés d'un revenu médiocre et nécessitant des frais considérables d'entretien. Il eût pu s'en contenter à la rigueur, mais il lui aurait fallu vivre en Russie, et comme la plupart des membres de l'aristocratie moscovite, le prince n'aimait rien tant que le séjour en France. Ne pouvant pas les vendre, pressé d'ailleurs par les événements, il songea de suite à les aliéner en partie et à en faire le gage d'un gros emprunt hypothécaire. Ce plan était parfaitement réalisable et devait lui procurer une très forte somme, le nerf de la guerre sans merci qui allait s'engager. Michel n'avait pas attendu son complet retour à la santé pour appeler près de lui Ladislas, le brave Moujik, son fidèle serviteur qu'il avait cédé à mon Dieu en même temps que son hôtel de l'avenue Hoche. Ladislas, resté attaché à l'hôtel comme un bon chien à sa niche en attendant le retour du maître, eut les larmes aux yeux en revoyant le prince qu'il avait élevé. Apprenant qu'il avait été malheureux, il lui reprocha doucement de ne pas l'avoir fait venir plus tôt. « Voyons, petit père, » lui dit-il avec cette touchante familiarité que le dernier des paysans a pour l'empereur lui-même. « Voyons, tu n'es pas raisonnable. J'eusse été cocher, charpentier, portefaix pour t'apporter du pain. « Pourquoi pas voleur ?» avait demandé gaiement Bobino. « Voleur aussi, » répondit Ladislas. « Et assassin, n'est-ce pas ?»« Oui. » « S'il le fallait pour le maître, » dit gravement le Moujik. « Je ne te demande pas tant, » interrompit le prince ému de ce fanatique dévouement qui ne reculait devant rien. « Que faut-il faire ?»« Partir de suite pour Pétersbourg et Moscou, avec plein pouvoir pour emprunter, à tout prix, la plus grosse somme possible. »« C'est facile. 72 heures pour aller, autant pour revenir, 8 jours là-bas, c'est l'affaire de 2 bonnes semaines. » Le lendemain matin, le Moujik se mettait en route. Entre-temps, les habitants du petit logement de la rue Méchain, décidés à se soustraire à de nouvelles violences, disparaissaient un beau matin sans laisser d'adresse. Ce lieu était ignoré de tous, même de Maurice Vandol, l'ami des mauvais jours, grâce auquel cette fuite avait pu s'opérer. On avait trouvé, à l'extrémité d'un faubourg de Saint-Germain-en-Laye, une vaste maison close de hautes murailles et fermée d'une porte rébarbative. Mais portes et murs clôturaient un grand jardin fleuri, ombragé de grands arbres, un véritable asile de convalescents et aussi un nid d'amoureux où Michel allait achever sa guérison en aimant de tout cœur Germaine. Déjà, il lui enseignait tout ce qu'il savait, l'initiait au monde, lui apprenait la tenue, bref, lui faisait répéter le rôle qu'elle allait bientôt jouer pour tout de bon dans la tragédie prochaine. Elle se passionnait pour les exercices du sport, montait à cheval, et devenait en peu de temps une d'une force extraordinaire au pistolet. Comme il fallait des serviteurs absolument sûrs, Bobina proposa à son ami Matisse et à sa femme de quitter la rue Pascal pour venir habiter la maison de Saint-Germain. Ils consentirent de grand cœur et vinrent de suite renforcer la petite garnison. Sur ces entrefaites, Ladislas revenait de Russie. Le brave homme rapportait en lettres de crédit sur la Banque de France un peu plus de 2 millions empruntés sur les propriétés de son maître. Nanti de cette somme, dont Germaine devint aussitôt la libre dispensatrice, le prince, plus que jamais, demeura invisible derrière les hautes murailles qui les cachaient tous, comme la plus inviolable des forteresses. Il lui fallait apprêter les dernières armes, celles qui devaient frapper les coups les plus terribles. En vain, mon Dieu, d'abord étonné puis furieux de cette disparition qui tenait de la fantasmagorie, fit fouiller tout Paris par ses agents. Le prince, Germaine, Bobino, et les deux fillettes demeuraient introuvables, et pour cause. Pendant ce temps, Germaine, dans la prévision du rôle qu'elle allait jouer, perfectionnait son éducation mondaine et faisait d'étonnants progrès. Elle devenait bientôt une véritable grande dame, tant son esprit possédait d'incroyables facultés d'adaptation. D'autre part, elle continuait toujours la cure mentale du prince par l'hypnotisme et développait de plus en plus cette lucidité qui, bientôt, devenait réellement stupéfiante. C'est ainsi que Germaine put apprendre ces choses mystérieuses relatives aux gens qui avaient été jadis les complices de mon Dieu. Michel, devenu un véritable voyant, mit Germaine sur les traces de Lichamor, de la mère Bachu, de Marquisette. Ces indications furent d'autre part intelligemment complétées par des rapports de police que Michel obtint confidentiellement par l'entremise de la chancellerie de l'ambassade russe. Très patiemment, il s'apprêtait sans hâte, sans précipitation, entassait les documents et attendait le moment propice pour frapper le grand coup. Enfin, Germaine put dire « Je suis prête ». Il avait été convenu qu'au lieu de fuir comme autrefois le comte de Mondieu, elle se rapprocherait brusquement de lui au grand jour. Loin de repousser ses protestations, elle les accueillerait de façon à ne pas le décourager et aussi de manière à endormir ses soupçons. Bobino, devenu l'intendant volontaire de Germaine, acheta le petit hôtel de Regina. On monta la maison très luxueusement. On garnit les écuries et les remises. On choisit des gens aussi convenables que possible et quand tout fut prêt, Germaine vint un beau jour prendre possession de son nouveau domaine. On sait comment elle se lança en plein tourbillon parisien, quel effet produisirent sa beauté, son esprit et ses manières. On sait aussi comment elle reconquit d'un mot, d'un geste, le comte de Mondieu, comment elle ouvrit sa maison et quelles furent les suites de cette entrée à sensation. Impénétrable comme un sphinx, elle gardait le secret de cette incarnation qui la transformait instantanément d'ouvrière en grande dame et le révélait seulement à Marquisette, la pauvre recluse qu'elle voulait convaincre de sa force et de l'efficacité de ses moyens d'action. Celle-ci avait écouté ce récit fait par Germaine avec la sérénité tranquille et un peu hautaine qui formait le fond du caractère de la jeune femme et lui seyait si bien. Quand elle eut terminé, Marquisette, édifiée mais toujours craintive comme les isolés, les faibles, les reclus, qui à force de souffrir n'osent plus, Marquisette lui dit « Vous êtes forte et intrépide, je le vois, je le sens, et j'en suis intimement persuadée. La façon dont vous avez engagé la lutte, ce secret que vous portez si allègrement, ces armes que mon Dieu a forgées et que vous retournez si habilement contre lui, je veux dire l'hypnotisme, tout cela n'est pas banal. Et pourtant, dès le début, votre ennemi, ce démon, vous porte un coup terrible. Car enfin, il a fallu qu'il soupçonnât votre intention de venir me trouver ici, dans cette maison de fous, et qu'il pût vous y faire retenir contre votre gré. » « De deux choses l'une, répondit Germaine. Ou la Bachu m'a trahi, ou mon Dieu a forcé mon coffre-fort. Peu importe, mon enfant. L'essentiel pour lui était de vous tenir ici, de vous réduire à l'impuissance et de vous faire capituler par ces tortures horribles que l'on impose aux malheureux démons. Maintenant, hélas, vous êtes sa prisonnière, et il ne vous lâchera pas. De complicité avec ce directeur maudit, son âme damnée, qui lui obéit en aveugle. Bah, nous verrons bien. Dans tous les cas, il ne doit pas être bien difficile de s'évader, avec la demi-liberté dont je jouis. Détrompez-vous. Nous sommes ici surveillés comme en prison. Il y a des gardiens qui veillent et font des rondes à chaque heure. Il y a les chiens qui errent toute la nuit et ne connaissent que leur maître. Les grilles sont garnies de chausses trappes en fer et les murailles défient l'escalade. Enfin, il y a un nombreux personnel debout à toute heure et des douzaines d'yeux toujours ouverts. J'ai tout bravé pour venir vous trouver, obtenir vos révélations et vous arracher d'ici. Quoi ? Vous tenteriez de me rendre ma liberté ? S'écria la pauvre femme, dont les yeux soudain se mouillèrent à cette radieuse perspective. Vous êtes comme moi, une victime de ce misérable. Vous joindrez vos efforts aux miens, et vous vivrez désormais libre et vengé. Oh, ce serait trop beau ! Une chose m'étonne cependant, c'est que mon Dieu, vous sachant ici, n'ait pas empêché toute communication entre nous deux. Il me croit folle. J'ai été 10 ans sans dire un mot, passant ma misérable vie à pleurer en silence mon bonheur perdu, songeant à mes enfants enlevés que je ne reverrai jamais. Depuis, je me suis un peu apprivoisée. J'ai parlé à mes gardiennes qui me croient innocente. Mon Dieu, informé de tout, ne craint pas mes révélations. Peut-être même croit-il que je ne me souviens plus de rien, comme si une pareille plaie au cœur pouvait jamais se refermer. Mais assez causé, au fait. Vous êtes venu me demander des armes, je vous les fournirai. En attendant, comme vous ignorez mon Dieu, le vrai mon Dieu, je vous dirai quel est cet homme. Le plus sûr moyen de l'abattre est de le connaître. Écoutez-moi. Et d'abord, il ne s'appelle pas mon Dieu. Que dites-vous là ? Interrompit Germaine. Ce misérable qui a tout volé a également usurpé ce titre et un nom qui ne lui appartiennent pas. Vraiment ? En réalité, le comte Gaston de Mondieu s'appelle très simplement Laurent Chalopin. Et vous avez la preuve de cela ? Demanda Germaine. Oui, mais cela n'est rien, et vous apprendrez bien d'autres. Mais cette preuve est essentielle. Soit, nous la ferons en temps et lieu. Cependant, s'il n'a pas le droit au nom et au titre, le sang de cette noble race n'en coule pas moins dans ses veines. Son père, Jean Chalopin, était garde-chasse du vieux comte, et sa femme était d'une beauté rare. Le vieux comte Norbert de Mondieu, qui était marié avec sa cousine, remarqua la femme de son garde. Il eut avec elle une de ces intrigues de maître à servante. L'époux ferma complaisamment les yeux, et pour prix de son bon vouloir, obtint une somme assez rondelette qu'il se mit à faire fructifier avec son âpreté paysanne. Sa femme, étant devenue enceinte sur ces entrefaites, mit au monde un fils auquel on donna le nom de Laurent. C'est le gredin en question. D'autre part, la comtesse était devenue mère, l'année précédente, d'un fils que l'on nomma Gaston. « Le vrai, mon Dieu, le mien, le mort !» fit Marquisette, nom d'un rauque sanglot déchiré à la gorge. Germaine, émue de cette explosion d'une douleur que rien ne pouvait consoler, serra doucement la main de la pauvre martyre et lui dit « Si vous souffrez, interrompez ce cruel récit, j'attendrai. » « Non, je suis trop heureuse d'avoir encore des larmes. Il y a si longtemps que je ne pouvais plus pleurer. » Elle essuya ses yeux, affermit sa voix et reprit. Les deux enfants furent élevés, faut-il dire, à peu près ensemble. Ils furent tout petits compagnons de jeu, avant de devenir un peu plus tard camarades de classe. Grand chasseur de loups et de sangliers, le comte Norbert de Mondieu habitait presque toute l'année son château situé en pleine Bretagne, pas loin de Rennes. Comme il n'aimait guère le monde, il allait passer quelques mois seulement par an avec la comtesse à la ville et revenait au premier beau jour au vieux castel familial. Le petit Gaston avait à peine 6 ans que sa mère mourut de la fièvre typhoïde. Je vous donne ces détails parce qu'ils seront utiles par la suite pour vous montrer quelle influence peut avoir cette mort sur le caractère d'un enfant doux, affectueux, ayant un cœur d'or et une sensibilité exquise. Le comte, qui ne péchait pas par excès de tendresse, adjoignit à la gouvernante de son fils un précepteur et donna définitivement pour compagnon à Gaston le petit Laurent, l'enfant du garde. Ils grandirent côte à côte, se ressemblant déjà étrangement, au point qu'on en jasait dans le pays. Ressemblance toute matérielle d'ailleurs, car au moral, on ne vit jamais deux êtres si différents. Envieux, brutal, sournois, cruel, Laurent était l'exacte contrepartie de Gaston, comme si l'enfant faisait déjà pressentir ce que devait être l'adolescent et l'homme fait. Au château seigneurial, attenait une ferme que faisait valoir Jean Cornic, un breton de vieille roche dont les parents, de père en fils, étaient là depuis plus de 200 ans. Cornic avait 4 enfants, 3 fils et 1 fille. Celle-ci, Marianne, toute blonde, toute frêle, toute mignonne, était un amour de bébé que chacun là-bas idolâtrait. Jusqu'au vieux comte Norbert, le chasseur de loups, qui subissait le charme de la chère petite créature et frottait parfois à ses joues roses les poils de sa barbe hérissée comme une touffe d'ajonc. La comtesse était sa marraine et la chérissait. Un jour, il y eut un bal d'enfants au château. La comtesse invita Marianne et se chargea de son déguisement. Elle lui improvisa un délicieux petit costume Louis XV, qui lui seyait si bien qu'on eût dit vraiment que l'enfant sortait d'un des grands tableaux du salon. « Une vraie petite marquise !» dit le comte. Et c'était tellement cela que pendant toute la soirée, Marianne fut appelée marquise, ou indifféremment petite marquise, et marquisette. Le gracieux surnom lui resta. Marianne venait souvent partager les jeux des deux garçonnets, le fils du comte et le fils du garde-chasse. Tous deux l'aimaient d'ailleurs, mais à leur manière. Gaston avait pour elle des élans d'une tendresse infinie, lui tressait des couronnes, lui faisait de gros bouquets, l'embrassait à pleine joue, à plein cœur, et faisait en somme tout ce qu'elle voulait. Laurent, jaloux, sournois, essayait de la détacher de Gaston, qu'elle préférait, et n'y pouvant point parvenir, la battait, la griffait, la mordait tant qu'il était seul avec elle. Puis, quand il la voyait pleurer, il se frappait lui-même, désespéré de lui avoir causé du chagrin. Il s'égratignait la face et se mettait à sang pour se punir. Marquisette, en somme, en avait peur. Il était déjà méchant et cruel, vous allez voir. Un jour, Gaston avait déniché sur le haut d'un marronnier dans le parc une petite couvée de chardonnerets et les avait données à sa petite amie. De joie, elle embrassa Gaston et tous deux s'ingénièrent à fabriquer de leurs mains malhabiles une petite cage en brin de coudrier pour renfermer la nichée d'oisillons. Le lendemain, tous les pauvres agonisaient au fond du nid souillé de sang. Un misérable leur avait enfoncé dans les yeux de longues épines d'acacia qui restaient plantées comme dans des pelotes. Ce fut le premier grand chagrin pour Marquisette depuis la mort de sa marraine, sa bienfaitrice. Puis, comme elle voyait Laurent qui souriait d'un air mauvais, elle s'écria indignée. « C'est lui ! Le méchant, c'est lui !» Gaston, furieux, se précipita sur Laurent et lui administra une correction vigoureuse autant que méritée. L'autre se laissa battre. Mais Marquisette n'oublia jamais l'affreux regard chargé d'une haine mortelle que Laurent lança sur Gaston. Plus tard, ce fut une mignonne chevrette blanche dont Gaston et Marquisette raffolaient. Las de la martyriser en secret, Laurent, un soir, l'égorgea froidement pour faire de la peine aux deux enfants et se venger de la mutuelle tendresse qu'ils se témoignaient. Le garde-chasse rossa le mauvais garnement, craignant les reproches du maître. Mais le comte se mit à rire et dit à son serviteur « Bah, laisse donc, c'est un luron, il n'a pas peur du sang, il servira au couteau avant 15 ans un dicor ou un solitaire. Je voudrais bien que cette poule mouillée de Gaston lui ressemblât. » Marquisette, qui s'attardait à ses chers souvenirs, interrompit son récit et dit à Germaine « Je ne vous ennuie pas. Si vous saviez le bonheur que j'éprouve à remonter ainsi le cours des années, à revivre en un moment quelques heures de mon enfance. » « Parlez, madame, » répondit Germaine, émue par ce récit tout simple et à la fois si émouvant. « Parlez, car rien de ce qui vous touche ne saurait m'être indifférent. » Les années s'écoulèrent. Gaston et Laurent grandirent côte à côte, recevant les leçons du précepteur, un homme d'une instruction solide, variée, qui embrassait tout, mais adonné malheureusement aux vices des plus abjects. Il s'appelait Castanet. « Le frère de celui qui dirige cet asile ?» fit brusquement Germaine. « C'est bien cela. » « Je sais ce qu'il est devenu, et votre récit éclaire pour moi bien des choses jusqu'à présent inexpliquées. Mais veuillez continuer. » Laurent Chalopin vivait donc au château, moitié en parasite, moitié comme un membre pauvre de la famille. Il travaillait beaucoup du reste, s'instruisait avec passion, comme s'il eût pressenti les besoins qu'il aurait plus tard de connaissances solides et variées. Le vieux comte lui disait parfois « Va, mon garçon, j'assurerai ton sort. Avant peu, tu seras l'intendant de mes propriétés et tu auras une position enviable. En me volant honnêtement, tu feras une fortune superbe. » Marianne, elle aussi, avait grandi. C'était maintenant une belle fille de 17 ans, un brin coquette et orgueilleuse, aussi de la tendresse que Gaston de Mondieu lui témoignait plus que jamais. Elle s'habillait comme une demoiselle de la ville, soignait ses cheveux blonds qui frisottaient naturellement, avait le teint blanc comme du lait, les mains fines, les ongles roses, et parce qu'elle travaillait à la lingerie du château, parce qu'elle avait malgré sa jeunesse la direction des menus détails d'intérieur, s'imaginait être de la famille. Elle était un peu vaine de toutes ces choses, la pauvre petite marquisette, et maintenant les gars et les filles du village lui donnaient son gracieux surnom avec une nuance de dédain, presque de mépris. Elle ne voyait rien, n'entendait rien, tout entière à l'amour qui avait envahi son être et succédé à la naïve tendresse qui l'unissait à Gaston. Elle avait été prise comme cela, tout d'un coup, sans même s'en douter. Gaston, que troublaient les baisers maintenant échangés furtivement, lui avait dit un soir qu'il l'aimait et qu'il fallait qu'elle fût à lui. Et simplement, n'ayant rien à refuser à son amie, heureuse d'être aimée, elle avait donné son corps à celui qui depuis longtemps possédait son âme. Laurent, lui aussi, aimait Marguerite. Il l'aimait avec un emportement sauvage, une jalousie farouche, et depuis longtemps le lui disait avec toutes sortes de protestations. Tout entière à son amour pour Gaston, Marquisette ne l'écoutait pas. Du reste, il lui faisait peur. Elle voyait toujours du sang à ses mains depuis qu'il avait mutilé ses oiseaux et égorgé sa chèvre blanche. Il ne fut pas longtemps à s'apercevoir de la liaison de Marquisette et de Gaston, et fut pris d'une rage folle. Marquisette l'entendit plusieurs fois gronder. « Ils me volent tout, mon nom, ma place au soleil, ma fortune, jusqu'à la femme que j'aime. Je devrais être mon dieu et je suis chalopin. » Marquisette est folle de lui. Oh, je me vengerai. » Il se vengea, en effet, et terriblement. Le père de Marie-Anne, Jean Cornic, apprit qu'on jasait sur sa fille, et naturellement il connut ses bruits le dernier. Il eut une explication violente avec elle, et Marquisette lui avoua en pleurant qu'elle allait être mère. Le pauvre homme devint tout blanc, comme s'il allait trépasser, puis gémit. « Seigneur mon Dieu, protégez-moi, je n'ai plus de fille !» C'était un de ces vieux Bretons, induits d'un bigotisme étroit, ayant à sa façon le culte de l'honneur implacable, aimant mieux sévir que pardonner, ignorant de parti pris cet élan miséricordieux qui est pour le coupable un commencement de rédemption. Il chassa impitoyablement sa fille, brûla tous les objets à son usage et défendit qu'on prononçât désormais son nom. La malheureuse enfant s'enfuit éperdue et rencontra Gaston au moment où elle allait, folle de honte et de désespoir, se jeter dans l'étang. « Je n'ai plus que vous au monde, Gaston, » disait-elle en sanglotant. « Et je ne te manquerai pas, cher bien-aimé, » murmura le jeune homme en l'étreignant avec passion. Il avait alors près de 21 ans. Bien que son père lui en imposât toujours beaucoup, certainement plus qu'à Laurent, il alla lui confier loyalement la position. Le vieux Norbert de Montdieu prit son air de ver galant et dit « Ah, polisson, tu as déniaisé cette petite !»« Ma foi, j'en aurais bien fait autant, mais c'est la fille de mon fermier, ça va faire un tapage de tous les diables !»« Il y a un moyen. » »« Épouse-la, donne un nom à ce petit être qui n'a pas demandé la vie. » Le vieux chasseur de loups continua. Je vois que tu as envie de jeter ta gourme. Il est temps que je t'envoie à Paris. Tu emmèneras cette petite marquisette qui est réellement un morceau de gentilhomme. Tu la décrasseras tout à fait. Et tu la lanceras dans ce monde où je me suis rudement amusé, au moment où feu l'Empire battait son plein. Ce coquin de Laurent t'accompagnera. Je te servirai une pension mensuelle de 3 000 francs, et je viendrai te demander de temps en temps une côtelette avec une bouteille de pommard. Surtout, si tu fais des têtes, avertis-moi. Allons, au revoir, et amuse-toi bien. Ah, un mot encore, j'oubliais l'essentiel. Je n'ai pas besoin de te dire de faire correctement les choses pour l'enfant. Nous nous comprenons bien, n'est-ce pas ? 3 mois après, Marquisette accouchait d'un beau garçon qui fut déclaré à l'état civil sous le nom de Georges-Henri, fils de Marie-Anne Cornic et de Gaston-Georges de Montdieu. Le vieux comte avait recommandé à Gaston de bien faire les choses, et Gaston, ne pouvant pas faire mieux, et plus, du moins, pour l'instant, avait reconnu son fils. « Bien cela !» interrompit Germaine. « Celui-là, du moins, était un homme de cœur. » Un hasard, certainement aidé par Laurent, avait permis à Castanet de retrouver son ancien élève, Gaston de Montdieu. Castanet, chassé du château pour son inconduite, avait fait tous les métiers, et finalement, il vivait au crochet d'une sage-femme, connue sous le nom de la Barbette. Laurent avait toujours conservé avec lui de vagues relations, attiré par une communauté de vices vers ce gredin qui l'obligeait de temps en temps. Laurent sut persuader à Gaston que Marquisette devait faire ses couches chez la Barbette, alléguant qu'elle y serait beaucoup mieux, plus tranquille surtout. Le vieux comte pouvait arriver d'un moment à l'autre, et sa présence ne serait rien moins qu'agréable à une malheureuse dans la situation de la jeune mère. Gaston, n'ayant aucun motif de défiance à l'égard de Laurent, qui ne l'avait jamais quitté, consentit volontiers à cet arrangement. Cette aveugle confiance devait, hélas, causer les plus grands malheurs et assurer la vengeance du scélérat qui haïssait mortellement son ami d'enfance. Laurent n'avait rien eu de plus pressé que d'informer le père de Gaston de la façon dont ce dernier avait compris son devoir. Le comte Norbert était entré dans une fureur épouvantable et avait pris sans plus tarder le chemin de Paris. Cette pensée d'un bâtard légitimé le mettait positivement hors de lui. Il trouva en arrivant Laurent le traître qui se mit à son entière disposition, déjà prêt aux besognes criminelles pour assouvir sa haine. Marquisette ignora toujours ce qui se trama entre ces deux hommes, bien fait pour s'entendre, mais elle ne tarda pas à être cruellement frappée. À son grand regret, elle n'avait pu nourrir son enfant. Les angoisses ressenties avant sa délivrance, l'expulsion brutale du toit paternel, avaient tari son sein. La malheureuse n'avait pas de lait. Son enfant lui fut enlevé le premier jour, son cher bébé, le fruit de sa faute, son unique consolation, la joie de Gaston, avait été confiée aux soins d'une nourrice habitant Croissy. Or, un mois après, la jeune mère, se sentant guérie, voulut voir le petit Georges et fit prier Gaston de l'accompagner. Celui-ci accourait bouleversé, pâle à croire qu'il allait défaillir, sanglotant, mordant ses poings et pouvant à peine bégayer à l'affreuse nouvelle. L'enfant avait disparu depuis 24 heures. Marquisette, foudroyée, tomba comme une masse. Et quand longtemps, bien longtemps après, elle revint à la vie qu'elle maudissait, elle se rappela le sourire haineux et cruel que Laurent lui lança à la dérobée le jour où il lui promit de se venger. Du reste, le gredin ne nia pas avoir collaboré à l'enlèvement du pauvre petit. Le comte Norbert avait comploté le crime. Laurent avait fourni les moyens et la Barbette l'avait exécuté. Mieux même qu'on ne le lui avait ordonné, car Laurent voulait s'en faire un otage, et la misérable l'avait simplement abandonné, le pauvre, cher innocent, au lieu de le porter dans un de ses asiles où du moins on peut les retrouver. En vain, Marquisette pleura, supplia, menaça. La hideuse femelle qui déjà s'adonnait à la boisson ne se rappelait plus ou ne voulait plus se rappeler. Marquisette donna ses bijoux, tout ce qu'elle possédait d'argent. Alors la Barbette, ayant tiré d'elle tout ce qu'elle croyait pouvoir en arracher, lui répondit de sa voix ignoble. « Ton moucheron ? Eh ben ma belle, il est rue de l'enfant perdu. Numéro cherche. Oh !» gronda Marquisette d'un ton qui fit frissonner Germaine. « On serait heureux de monter sur l'échafaud après vous avoir égorgé de ses mains un pareil monstre. » « Mais, interrompit Germaine, Marquisette ne pouvait-elle pas... Ne pouviez-vous pas faire part de vos doutes, de votre certitude à votre ami, au père de la petite victime, Gaston de Mondieu ? Je n'osais pas. Je craignais tout de la fureur de Gaston, dont le caractère, habituellement très doux, avait parfois des emportements terribles. J'eus peur d'un éclat irréparable entre le père et le fils, si jamais celui-ci venait à soupçonner la part prise par son père dans la catastrophe. « Oh, ce père est un misérable. Je me fusse vengée. »« Vous êtes parisienne, et vos nerfs vous emportent. Nous autres, bretons, nous avons l'énergie passive et résignée. » Je pleurai en silence toutes les larmes de mon pauvre cœur, si cruellement endolori. Et si je ne me consolais pas, du moins, je pus adoucir la peine de mon ami, qui n'eut pas l'atroce douleur de soupçonner son père. 2 années s'écoulèrent, et Marquisette peu à peu se remettait de ce choc terrible, quand pour la seconde fois, elle s'aperçut qu'elle allait être mère. C'était une suprême consolation que Dieu lui envoyait pour adoucir toutes les infortunes qui, depuis son expulsion de la maison familiale, avaient fondu sur elle. Pour nous autres, femmes du peuple, la maternité, loin d'être un fardeau, est une joie. Vous savez cela, n'est-ce pas ? Aussi, Marquisette, rendue défiante, ne confia qu'à Gaston le secret si doux et si troublant de sa maternité. Il allait avoir 23 ans. Il lui fallait attendre encore 2 ans pour avoir l'âge légal de 25 ans, l'âge des sommations qu'il voulait adresser à son père pour épouser Marquisette. Car ce désœuvré, ce condescendant de gens issus d'un autre sang que le nôtre, dont l'âme est empoisonnée de relents de parchemin et le cœur vicié de préjugés, était, je vous le répète, un honnête homme. Hélas, il commit l'impardonnable faute de se confier à celui qu'il regardait comme un frère. Pouvait-il se défier de Laurent, qui lui témoignait tant d'affection, connaissait le secret de son âme, ses projets d'avenir, et lui avait juré de ne jamais le quitter ? 8 jours après, le comte Norbert arrivait à Paris comme par hasard, avait un entretien violent avec son fils, et lui enjoignait d'avoir à épouser dans le plus bref délai une parente éloignée qu'il n'avait jamais vue. Il paraît que cela se passa ainsi, dans ce monde-là. Gaston pria, supplia, résista. Son père ne lui laissa d'autre alternative que ce mariage, un voyage autour du monde, ou la privation absolue de tout secours financier. Puis il ajouta, « D'autre part, si tu ne consens pas, je vends tout ce que je possède, je réalise, et tu n'auras plus un sou de moi plus tard. Ce sera pour toi la noire misère des mœurs de faim. » Gaston craignit cette misère pour moi et l'enfant qui allait naître. Il refusa le mariage, mais consentit au voyage pour gagner du temps. Le comte mit à sa disposition une somme considérable et ne le quitta qu'après l'avoir embarqué au Havre pour l'Amérique du Nord, en compagnie du trop inséparable Laurent. Le vieux comte avait d'ailleurs été parfaitement correct, du moins aux yeux des gens de son monde, qui pensent que l'argent peut tout. Marquisette fut par ses soins mise à l'abri du besoin et reçut quelques billets de 1 000 francs, une aumône qu'elle accepta, n'ayant pas le droit de faire la fière à cause de l'enfant, car sans cela, elle eût refusé avec indignation. Il est bien difficile aux pauvres d'avoir de la dignité. Gaston, en partant, avait promis à Marquisette de lui écrire le plus souvent qu'il le pourrait. Il tint parole, et chaque semaine un courrier apportait à la pauvre délaissée des nouvelles du cher absent. Il était aussi heureux qu'on peut l'être loin de la femme aimée. Il parcourait l'Amérique, chassait, visitait des tribus indiennes, et terminait invariablement ses lettres par d'exquises protestations d'amour. Puis il ajoutait « Le temps s'écoule, et chaque jour nous rapproche du moment où la loi me permettra enfin d'être ton époux à la face de tous. » Marquisette avait foi en lui. Elle comptait les heures, et attendait, priant Dieu de les protéger. 3 mois après, elle mettait au monde un amour de fillette, qu'elle veilla avec un soin jaloux, qu'elle ne voulut confier à personne, et qu'elle eut enfin le suprême bonheur de nourrir de son lait. Gaston était alors au fond de la Californie. Il s'apprêtait à passer au Mexique, et de là s'embarquer pour l'Amérique du Sud. Ses lettres devenaient forcément plus rares, mais elles étaient plus longues, et s'il est possible, encore plus tendres et plus expansives. Des semaines, puis des mois passèrent encore. L'enfant se développait admirablement. La mère attendait toujours. Il y avait déjà 1 an que Gaston était parti, suivi de son fidèle Laurent, dont l'affection ne se démentait pas. Et Marquisette se disait « Encore 1 an, 12 mois d'attente, il reviendra. Il épousera sa Marie-Anne, et ma petite Jeanne aura 1 nom. » Les lettres arrivaient toujours, mais plus rares. Gaston avait traversé le grand océan, était passé au Japon, puis en Chine, et il avait l'intention de revenir en Europe après un séjour dans l'Inde. Le ton de ses lettres était devenu plus brusque. Elle débordait toujours de passion, mais on y sentait une sorte d'impétuosité que l'absence, la privation de l'être aimé, faisait paraître plus vive encore. Et Marquisette, ravie, se disait « Cher Gaston, comme il m'aime !» L'attente était longue et cruelle, mais l'enfant donnait à la mère d'adorables compensations, et la prochaine arrivée du voyageur faisait bondir le cœur de Marquisette. C'était bientôt fini. Gaston revenait. Marquisette, devenue très forte en géographie, comptait les étapes et suivait avec une carte l'itinéraire. Enfin, une dépêche annonça le retour du cher absent. Gaston débarquait à Marseille. Dès lors, Marquisette ne vécut plus. Elle riait, pleurait, chantait, parlait à sa fille comme à une grande personne, faisait 1000 folies. Enfin, elle entendit un roulement de voiture, un pas nerveux dans l'escalier. Elle ouvrit la porte, à demi défaillante, vit un homme basané, barbu, lui tendant les bras. Elle allait s'y précipiter quand un grand cri lui échappa. « Tu n'es pas Gaston, tu es Laurent !» L'homme voulut payer d'audace et d'un ton que le meilleur comédien n'eût pas désavoué sanglota. « Marie-Anne, ma chère bien-aimée, que dis-tu ? » « Eh quoi, tu méconnais ainsi celui qui t'adore, Gaston, le père de ton enfant, ma fille, ma chère petite fille ?»« Mensonge, tu es Laurent !» Laurent est mort de la fièvre des bois à Bombay. Je n'ai pas pu te prévenir. Le navire qui me ramenait rapportait les lettres. Tu mens. Gaston est mort. Tu l'as tué. Oui, tu l'as tué pour prendre sa place, usurper son nom, voler sa femme. Assassin. Assassin. Il balbutia, devenu affreusement pâle. Non, je ne l'ai pas tué, je te le jure. Il est mort. Depuis plus d'un an. J'en ai les preuves, là. Des papiers dans cette valise. Un extrait de mort. Rédigé par la chancellerie du consulat de France. Mort de la fièvre jaune. À Pernambouc. Tiens, voilà les attestations officielles. Voici les signatures. Les timbres, les cachets. Non, je ne mens pas. C'est la vérité. Je l'ai soigné. J'ai fait l'impossible pour le sauver. Tu mens. Oh, je le sens. Alors une pensée infernale a germé dans mon esprit. Je t'aime depuis l'enfance, tu le sais. Je t'ai toujours adoré. Oh, follement et sans espoir. Je me suis dit, Gaston mort, je vais prendre sa place. Devenir le vicomte de mon Dieu. Continuer le voyage sous son nom. Écrire à son père. Écrire à Marquisette. Puis plus tard, j'offrirai à celle que j'ai tant aimée ce nom que Gaston lui eût donné s'il eût vécu. L'enfant aura un père, une fortune. Le vieux comte Norbert est devenu presque aveugle. Il ne s'apercevra de rien. Quant aux gens de l'entourage, à la famille, nous nous ressemblons si étrangement que nul ne s'apercevra de cette substitution. Marquisette écoutait à peine ces paroles qui lui arrivaient vaguement aux oreilles. La tête lui tournait. Un vertige la faisait chanceler. Elle n'avait plus qu'une pensée qui lui trouait le cœur comme une pointe de couteau. Gaston est mort. Gaston est mort. Laurent protestait toujours de son innocence et osait parler de son amour. La malheureuse défaillait, prête à mourir aussi, tuée par ce coup terrible qui la frappait brutalement, en plein bonheur. Une fièvre ardente la saisit et faillit l'emporter. Laurent, qui l'aimait à sa manière, la soigna du mieux qu'il put, et finalement lui annonça son intention de partir en Bretagne. « Je dois, lui dit-il, jouer mon rôle jusqu'au bout et préparer ce pauvre vieillard à l'affreuse nouvelle. Ah, si pourtant il était possible de lui faire illusion, de remplacer pour lui ce fils qu'il croit vivant. S'il pouvait ne pas avoir ta clairvoyance, ma pauvre Marianne, et prendre Laurent pour Gaston. » Marquisette l'écoutait à peine et silencieusement pleurait son cher mort. Il partit enfin pour le château de Mondieu, laissant en dépôt à Marquisette les papiers de Gaston et promettant de revenir bientôt. 3 jours après, elle recevait une lettre l'informant en quelques mots que le comte Norbert de Mondieu, à la nouvelle de la mort de son fils, venait de succomber aux atteintes d'une apoplexie foudroyante et s'était signé Laurent. La première pensée de Marquisette fut que le misérable avait assassiné le vieillard. Elle savait Laurent capable de tout. Supposant que le comte Norbert avait découvert la fraude, Laurent, pour assurer son indigne supercherie, n'avait pas reculé devant ce crime qui assurait sa substitution. Là-bas, en effet, tout le monde le prit pour Gaston de Mondieu, tant il lui ressemblait, tant il avait pris ses manières. Il hérita du comte, après avoir conduit le deuil, et pleurait hypocritement celui qu'il avait assassiné. Il prit possession des titres, des domaines, du château. Il devint vicomte de Mondieu, sans que personne pût se douter qu'il était le fils du quart de chasse. Quand il eut rendu à sa victime les derniers devoirs, quand il fut entré dans le personnage du mort aux yeux de la justice et de la population tout entière, il revint à Paris, en grand deuil. Il accourut près de Marquisette, renouvela ses protestations et osa encore lui parler de son amour. Celle-ci, dont le cœur était mort avec Gaston, repoussa ses propos avec indignation et lui intima l'ordre de cesser toute visite. En vérité, elle ne pouvait supporter sa vue. Laurent, voyant que décidément il lui faisait horreur, comprit la faute qu'il avait faite en lui laissant les papiers de Gaston, et surtout en lui écrivant de Mondieu que le comte Norbert avait succombé à une attaque d'apoplexie en apprenant la mort de son fils. Il lui réclama d'abord très doucement tous ces documents qui avaient pour lui une importance capitale. Marquisette refusa. Par un de ces actes de prévoyance qui semblent une sorte de divination, elle les avait mis en sûreté, sachant qu'elle avait tout à craindre de cet homme. Oui, tout, de sa haine et surtout de son amour. En effet, il pria, supplia, injuria, menaça, et Marquisette vit bien qu'elle avait raison d'appréhender les élans de ce caractère de fer qui ne reculait devant rien. Il partit en disant « Vous avez des armes contre moi, mais prenez garde. S'il vous arrivait de jamais rien entreprendre contre moi, les plus grands malheurs fondraient sur vous. » Il alla, dès lors, un peu dans le monde, mais très discrètement, ne se sentant peut-être pas le pied assez sûr, et déjà pris d'une de ces fringales de plaisir auxquelles il devait tout sacrifier. 6 mois après, il revenait près de Marquisette, et plus que jamais, insistait pour être mis en possession des papiers. Il sentait qu'il n'y avait pour lui aucune sécurité, tant que ces pièces demeureraient en la possession d'une femme qui le haïssait. Il lui offrit de les acheter à un prix considérable. Et comme Marquisette refusait impitoyablement, il partit, en lui lançant ce regard terrible qu'elle lui avait vu jeter jadis à l'infortuné Gaston de Monsieur. Elle eut cependant la force de lui dire « S'il m'arrivait malheur, plainte serait portée contre vous, et les papiers de Gaston seraient remis au procureur. » 8 jours après, son enfant lui était enlevé pendant un sommeil de plomb qui l'avait envahi pendant son repas. Quand elle s'éveilla, le berceau était vide. La femme de ménage, complice du misérable, était en fuite, et sur le petit oreiller, il y avait une lettre piquée avec une épingle. « Vous ne reverrez pas votre enfant. Sa vie est la garantie de ma sécurité. Nous sommes aujourd'hui à 2 de jeu. Un seul mot, et elle est sacrifiée sans pitié. Si vous vous taisez, elle sera heureuse. » C'en était trop pour la malheureuse mère. Il lui sembla que son cerveau craquait et que par la fissure s'envolait pour jamais la raison. Frappée d'une congestion cérébrale, elle fut transportée sans en avoir conscience dans un hospice et resta des semaines entre la vie et la mort. Puis, après un temps dont elle ne put apprécier la durée, elle s'éveilla comme d'un cauchemar dans cette maison qu'elle n'a pas quittée depuis. Vous saurez comment et dans quelles circonstances elle y demeura, su que sa fille vivait. L'entretien fut brusquement interrompu par l'arrivée de la gardienne Joséphine, qui entra lourdement et dit avec un gros rire. « En v'là une causette. Excusez, on voit bien que vous ne vous embêtez pas. C'est assez pour aujourd'hui. Demain, vous recommencerez. » Silencieusement, mais avec un regard où elles mirent toute leur âme, les deux femmes se serrèrent énergiquement la main et docilement se séparèrent. Le lendemain, qui allait être le 5e jour de la captivité de Germaine, celle-ci se préparait à aller voir sa nouvelle amie, quand la garde vint lui dire qu'elle serait visible seulement dans la soirée. « Je pense, dit-elle, qu'il ne lui est rien arrivé. » « Non, rien de bien grave. Mais elle a eu une crise de nerfs, et le docteur a recommandé qu'on ne la fît pas trop causer. Ça lui arrive parfois. » À 4 heures après-midi, Germaine allait demander à Joséphine si elle pourrait bientôt se rendre au pavillon, quand elle entendit dans le couloir sablé un pas qui la fit tressaillir. La porte s'ouvrit toute grande, et la garde annonça sans même demander si on pouvait recevoir « Monsieur le comte de Monsieur !»